un mal. Chapitre 11. Le jour de la kermesse arriva. Les cabaretiers s'étaient approvisionnés de bière. Des pains d'épices par tas garnissaient la vitrine des épiciers. Toute l'après-midi de la veille, les fours avaient brûlé pour la cuisson des tartes. Devant les portes, le pavé balayé reluisait. Des rideaux frais relevés par un nœud de couleur découpaient leur blancheur sur le noir des vitres. Un tapage de ménagères achevant à grands coups de balai la toilette des chambres traînait dans l'air. Puis, 10 heures firent sonner les cloches de la grand-messe. Alors, les brosses et les seaux furent rencoignés, les bras rouges enfilèrent les manches des robes, et la gaieté commença. Des hommes montraient sur le seuil des cabarets leurs faces détendues par une naissante ivresse. Cela était en train depuis la sortie de la messe basse. Une odeur de lampée montait de leurs blouses. Quand des groupes passaient sur le chemin, ils cognaient aux carreaux et les appelaient pour trinquer avec eux. Cela faisait petit à petit des assemblées. La chaleur était grande. On se tenait à la porte debout devant les tables. On se parlait nez à nez, l'un en face de l'autre, avec des gestes amples. Des affaires se traitaient. La finesse aiguisée par le genièvre mettait aux prises les marchands de grains et les marchands de bestiaux arrivés du matin. On se secouait les mains, des démonstrations d'amitié rendaient les yeux tendres, et la bienveillance augmentant, on se régalait de tournées réciproques. Des verres vides encombraient par files inégales les tables poissées d'écume. Quelquefois, un mouvement brusque d'un buveur faisait bouger les verres, qui s'entrechoquaient avec un cliquetis. Ce bruit des verres se mêlait à la rumeur des conversations, celle-ci formant un grand bourdonnement sourd, comme la roue du moulin dans le bief, et par moments des éclats de voix partaient, brefs et colères. Dans l'intérieur des cabarets, une fumée bleue battait les plafonds, et de là remontait en nuages sur les gens assis. Des dos s'arrondissaient dans les sarraux indigo, lustrés par les filets du jour qui passaient sous les stores demi-clos. Des coudes nageaient parmi de la bière. Dans les faces plus rouges, les yeux oscillés, larveux et ternes, troués de pupilles réduites. Tout le monde fumait, des étincelles brasées au creux des pipes. Ça et là une allumette crépitée, lueur phosphorescente dans l'obscurité rousse. Les bouches rejetaient des bouffées de tabac, bruyamment. Des salives claquaient à terre. Parfois un hoquet soubresautait par-dessus le ronflement de toutes les voix parlant ensemble. On entendait tinter les verres sur les plateaux portés par les servantes. Celles-ci, la robe troussée, circulaient difficilement, bousculées par l'animation générale. Un juron leur sortait des lèvres alors, tandis que les plateaux chaviraient à moitié dans un large épanchement de liquide. Puis des poussées les prenaient en flanc, des mains tâtaient leur gorge par-dessus les plateaux, et elles avaient aussi à se défendre contre des gestes plus sournois. L'échauffement des esprits se salassait un peu de lubricité à la vue de cette chair mafflue qui frôlait les tables. Et à chaque verre, l'effervescence s'accroissait. Les torses se tassaient sur les chaises. Il y avait des éboulements d'épaules le long des murs. Des gens avaient l'air de s'être effondrés sous une tapée de coups de poing. Les mains faisaient dans le vide des mouvements vagues. Lentement, la bière assommait cette cohue. Une odeur de brassin montant des caves où refuaient les futailles achevait de tourner les têtes. Dans les cours, le brouhaha n'était pas moindre. On criait, on cognait les tables, des rires battaient les feuillages, et le bruit s'augmentait autour des jeux de quilles, du roulement des boules et du chamaillis des disputes. À tout moment, la boule partait, frappait la planche d'un coup sec, puis ronflait à ras du sol, jusqu'à l'instant où les quilles cognées s'abattaient. Toutes les voix éclataient alors, criant le nombre de quilles abattues. Les joueurs avaient des trognes rouges sur lesquelles la charmille balançait un or vert, léger. Midi tomba sur cette soulerie. Le grésillement des côtelettes à la poêle chuinta derrière les huis. On entendit remuer les vaisselles dans les bahuts. Sur le relent des fumiers chauffés par le soleil, passa une ombre grasse de soupe au lard. La faim crispant les estomacs, les cabarets se vidèrent. Les hommes allèrent nourrir leur ivresse de tranches lourdes. Quelques-uns, après avoir mangé, se jetèrent pendant une heure sur des bottes de paille, au fond des hangars. Le soleil cuisait du reste, allumant une réverbération aveuglante à ras du pavé. Les toits de chaume, tapés accrus du jaune d'or de la lumière de midi, avaient des tons de poisson rissolés dans le beurre. Des bouffées d'étuves sortaient des maçonneries surchauffées. Et tout à coup, la gaieté un instant assoupie se réveilla. Cette fois, elle allait durer jusqu'à la nuit. Les cabarets alors se bondèrent de tablées plus compactes. Un moutonnement de foule ondula aux abords des endroits où l'on buvait. Les pompes à bière gloussèrent sans discontinuer et le houblon fut absorbé par baquet. Sur le seuil des portes, les vieilles femmes en cornettes fraîches étaient assises, leurs mains repliées sur les genoux et regardaient passer la joie dans le chemin. Le plaisir d'être encore de ce monde, après tant de kermesses dont elles avaient eu leur part, détendait leurs faces boucanées, griffées d'une infinité de raies. Leurs rides souriaient, et elles demeuraient là, réjouies, remplies du temps passé. Le village à présent débordait dans la rue. Des bandes de filles, bras dessus, bras dessous, passaient, occupant la largeur du pavé. Leurs robes bleues, vertes, blanches, à pois rouges et noirs, faisaient dans la lumière comme des trous de couleur. Et elles avançaient, marchant lentement et se balançant sur leurs hanches. La pommade plaquée à leurs chevelures, des brillants de métal, des collerettes gaudronnées dans leurs cou bruns. Les niaises baissaient les yeux, étourdies de leur luxe de toilette. Et les autres, hardiment, jetaient de leurs lèvres rouges des volées de sourires aux garçons qui se poussaient du coude sur leur passage. Une grosse concupiscence s'allumait dans la foule. Celle-ci s'écoulait le long des maisons, d'un glissement continu, et un peu plus loin, gagnait la campagne, enfilait les sentiers, se débandait derrière les haies. Des marchands avaient installé des tables contre le mur de l'église. C'était une invitation qui arrêtait les hommes, les filles et les enfants, les retenait devant les étalages, avec des regards de convoitise. Il y avait là, sur des nappes à carreaux rouges et blancs, des bocaux de pain aux amandes, de boules en sucre, de gimblettes et de macarons, des grappes de saucissons pendées, marbrées de suifs jaunes et visqueux, des pains d'épices s'amoncelaient avec leurs croûtes vernies au blanc d'œufs, et sur les assiettes séchaient des tartes de pruneaux, saupoudrées de sucre et de poussière. Un margoulin non loin avait installé sous une bâche un comptoir de cigares, de pipes, de poupées à tête de cire, de mirlitons, de trompettes en bois. Spécieusement, avec un rire de brochet, il proposait aux femmes des boucles d'oreilles, des épingles, des fermoirs, des anneaux, toute une joaillerie de pacotilles émaillées de pierres rouges, jaunes et vertes, auxquelles le soleil arrachait des flambées. De l'autre côté de la place, des êtres noirs, patibulaires, avaient installé des tirs à la chandelle. Là, surtout, le monde oscillait, planté sur les deux jambes, bouche bée. Des hommes à la file attendaient le moment de tirer. La morse posée, on prenait les fusils, on épaulait, les pieds distants, les coudes relevés, puis la capsule éclatait. Ce pétardement sec, qui ne finissait pas, s'ajoutait aux appels rauques des marchands. Et tout à coup, un orgue de barbarie fit son apparition au milieu des groupes. Le musicien tournait la manivelle, les yeux devant lui, hébété de lassitude et de soleil. Et de temps en temps, d'une secousse des épaules, remontait la bricole qui lui labourait la nuque. L'orgue étant sonore, s'entendait de loin. Des ribambelles arrivaient en courant pour être plus près de la musique. Et celle-ci grinçait avec d'aigres piolis de flûte sur une basse de tambourin. « La gaieté à mesure s'augmentait de tout ce qui était bruit, lumière, spectacle, prétexte à crier et à rire. Des rondes tournoyaient sur la place, les bras des hommes dessinant des ovres au-dessus de la tête des danseuses. Cela cessait, recommençait ailleurs, avec de grands branles lourds, en attendant que le bal s'ouvrit à l'estaminet du soleil. Et une sueur montait de cette vaste ambulation sous un ciel brûlant. Les dos bouillaient, les chemises adhéraient à la peau. L'eau par filet ruisselait le long des tempes. On voyait les femmes cambrer leurs reins pour décoller leurs robes mouillées. À 3 heures, une poussée turbula du côté du soleil. On montait 2 marches. Elles étaient assaillies d'un flot qui se tassait, se bousculait au milieu des récriminations des filles froissées et des pouffements de rire des garçons fonçant à coups de reins et d'épaules devant eux. Le flot se brisait dans la salle, allait s'abattre sur les bancs qui garnissaient les 4 murs, ou bien, incontinent, se mettait à toupiller avec des gestes lourds et maniérés. 2 clarinettes, un cornet à piston, un trombone et un tambour étaient installés dans une cage en surplomb sur la salle, et le cornet à piston, d'un mouvement continu de la tête, battait la mesure, dirigeait son orchestre. La gaieté éparse à travers le village sembla alors se concentrer dans cette large salle du soleil qui tremblait, secouée par l'immense trépignement des bourrées.